In these last days when the Messiah is about to come, dans ces derniers jours où le Messie est sur le point de venir, the church should have walked in this wonderful, beautiful blamelessness. L'Église aurait dû avoir marché dans cette merveilleuse et belle irréprochabilité. And I've always told the pastors who joined this, even you, I say this to you. Et j'ai toujours dit aux pasteurs qui joignent ceci, même à vous, je vous le dis. Be careful with your ministry. Attention à votre ministère. The salvation you have, salvation, your salvation. Le salut que vous avez, le salut, votre salut. Is what you do when you are alone. C'est ce que vous faites quand vous êtes seul. Your salvation is what you do when you are alone. Votre salut, c'est ce que vous faites quand vous êtes seul. When nobody is seeing. Quand personne ne vous voit. As you do your ministry. Comme vous faites votre ministère. Endeavor, strive, and God will help you through the Holy Spirit. Luttez, faites des efforts, et Dieu vous aidera par le Saint-Esprit. To make sure that you are trail, nobody can accuse a finger. Pour vous assurer que dans votre réputation, personne ne puisse même pas lever un doigt. Can point a finger. Ne puisse pointer un doigt. How beautiful. Combien beau. Make sure you walk in such a way that the trail. Assurez-vous de marcher d'une telle manière que votre réputation. Nobody can stand up and point a finger. Que personne ne puisse se lever et pointer un doigt. Keep a clean record. Gardez une réputation propre. That is the blamelessness the church is supposed to wear. C'est l'irréprochabilité que l'Église est supposée porter. Because you have the Holy Spirit helping you. Parce que vous avez le Saint-Esprit pour vous aider. So have you seen the three generals in the Bible? Donc, avez-vous vu les trois généraux dans la Bible? That walked in blamelessness? Qui ont marché dans l'irréprochabilité? So have you understood what the church was supposed to look like? Donc, avez-vous compris à quoi l'Église était supposée ressembler? In the eyes of God and men? Aux yeux de Dieu et des hommes. And when you look at this same garment here and the character, the restoration of blamelessness. Et quand vous voyez ce même vêtement ici et le caractère, la restauration de l'irréprochabilité. In the church. Dans l'Église. Then, you'll find that in the Old Testament, this is what you see. Alors, vous trouverez que dans l'Ancien Testament, c'est ce que vous voyez. The character of blamelessness. Le caractère d'irréprochabilité. Was actually related. Était en fait en relation. To the sacrificial animal that was being offered in the temple. Avec les animaux de sacrifice qui étaient offerts au temple. Oh yes. Oh oui. Had to be blameless. Doivent être sans reproche. In fact, I'm coming to the sacrifice you should be offering before the Lord. En fait, j'en viens au sacrifice que vous devriez offrir devant le Seigneur. If you go to Leviticus chapter 1. Si vous allez à Lévitique chapitre 1. Verse 3. Verset 3. Leviticus chapter 3 verse 1. Lévitique chapitre 3 verset 1. Leviticus chapter 3 verse 6. Lévitique chapitre 3 verset 6. All the way down. Jusqu'en bas. It talks about the kind of sacrifice the Lord your God demands from you. Il parle de la sorte de sacrifice que le Seigneur votre Dieu demande de vous. So in the Old Testament, in the time of the temple. Donc, dans l'Ancien Testament, à l'époque du temple. This character that the garment brings the church today. Ce caractère que le vêtement amène à l'Église aujourd'hui was actually related to the sacrificial animal. Était en fait en relation avec les animaux de sacrifice. Without defect. Sans défaut. That was offered in the temple. Qui était offert au temple. How about in the New Testament? Qu'en est-il du Nouveau Testament? Those of you writing scriptures, Leviticus 1:3. Ceux qui prennent des notes, c'est Lévitique 1:3. Leviticus 3:1. Lévitique 3:1. Leviticus 3:6. Lévitique 3:6. And the book of Numbers chapter 6 verse 14. Et le livre des Nombres chapitre 6 verset 14. In fact, now I need to mention something else. En fait, maintenant, j'ai besoin de mentionner quelque chose d'autre. The book of Malachi chapter 1. Le livre de Malachi chapitre 1. Verses 6 to 14. Verset 6 à 14. If you want to understand. Si vous désirez comprendre. The enormity and the gravity of the authority of this garment. L'énormité et l'importance de l'autorité de ce vêtement. And the quality, the character of salvation. Et la qualité, le caractère du salut. The garment was supposed to bestow on the church. Que le vêtement était supposé accorder à l'Église. You must first read the book of Malachi chapter 1 verses 6. Alors, vous devez lire d'abord le livre de Malachie, chapitre 1, verset 6, to verse 14. Au verset 14. There you see the offering of the blemished sacrifice. Là, vous voyez l'offrande du sacrifice impur. Blemished. Avec des défauts. The sacrifice that is blameable. Le sacrifice qui a des défauts. The sacrifice that is accusable. Le sacrifice qui a des accusations. The sacrifice that has defect. Le sacrifice qui a des défauts. Then you will now appreciate what the garment does. Alors à présent, vous apprécierez ce que le vêtement fait by bringing blamelessness to your salvation. En amenant l'irréprochabilité à votre salut. Because there you hear the Lord speak with rage. Parce que là, vous entendez le Seigneur parler avec fureur. With rage, in that Malachi. En rage, dans Malachi. Malachi 1, 6 to 14. Malachi 1, 6 à 14. With rage. En rage. In fact, he reaches the point of saying, en fait, il arrive au point de dire, oh, how I wish that somebody would run and shut the temple doors. Oh, combien j'aimerais que quelqu'un vienne et ferme la porte du temple. That I may not live to see. Que je n'ai pas à vivre pour voir their useless fires lit up on my altar. Les feux inutiles dressés sur mon autel. The fires of the gospel of prosperity. Le feu de l'évangile de la prospérité. The fires when women come here, short clothes, they're dancing like this, like this. Le feu quand les femmes viennent ici avec de courts habits qui dansent comme ça, comme ça. He said, I wish somebody go shut that door. Il dit, je désire que quelqu'un aille et ferme cette porte. So when you read Malachi 1, 6 on. Ainsi, quand vous lisez Malachi 1, 6 et suivant, then you understand. Alors, vous comprendrez how the Lord treats a blemished sacrifice. Comment le Seigneur traite un sacrifice avec défaut. With defect. Avec des défauts. And then now you'll appreciate. Et alors, maintenant, vous apprécierez what the garment does by bringing to the church blamelessness. Ce que le vêtement fait en amenant à l'église l'irréprochabilité. In other words, sacrifice without defect before the Lord. En d'autres termes, un sacrifice sans défaut devant le Seigneur. But in the New Testament, that's where I'm coming now. Mais dans le Nouveau Testament, c'est là où je viens maintenant. In the New Testament, dans le Nouveau Testament, this character that the garment bestows on your salvation. Ce caractère que le vêtement accorde à votre salut. This character of blamelessness. Ce caractère d'irréprochabilité. Restoring you back to innocence. Vous ramène à l'innocence. That you may enter. Pour que vous puissiez entrer. Without blame. Sans blâme. Without defect. Sans défaut. This character of blamelessness. Ce caractère d'irréprochabilité. Was actually related to moral purity, moral. A été en fait mis en relation avec la pureté morale. Morale. Moral excellence. L'excellence morale. Moral perfection, whichever you want to say. Perfection morale. Quoi que ce soit que vous désirez dire. Moral purity. Pureté morale. Moral excellence. Excellence morale. Moral perfection. Perfection morale. And then, et ensuite, you can write there, for example, the book of Psalm 15, verse 2. Vous pouvez écrire ici, par exemple, le psaume 15, verset 2. That's what comes to mind right away. C'est ce qui vient à ma pensée juste maintenant. Psalm 15, verse 2 and so forth. Psaume 15, verset 2 et suivant. There are many scriptures there. But look at this now. Il y a beaucoup de textes là. Mais voyez ça maintenant. And then in the New Testament, et alors, dans le Nouveau Testament, you get that this character that the garment brings to you, vous voyez que ce caractère que le vêtement vous amène, of blamelessness, d'irréprochabilité, is actually the middle name of Jesus. Est en fait le nom central de Jésus. Is almost exclusively used to refer to Christ Jesus. Est presque exclusivement utilisé pour se référer à Jésus-Christ. The perfect Lamb of God without defect. L'agneau de Dieu parfait, sans défaut. Blamelessness. Irréprochabilité. Oh yes, that you may fear. Oh oui, que vous puissiez craindre. This garment of righteousness I'm talking about here. Ce vêtement de justice dont je parle ici. That you may understand the gravity thereof. Que vous puissiez comprendre la gravité qui en suit. Is actually used to refer to Jesus. C'est en fait utilisé pour se référer à Jésus. The perfect Lamb of God without blame. L'agneau de Dieu parfait, sans reproche, that is offered. Qui est offert. And then, he's saying the following. Et ensuite, il dit ce qui suit. That when you move farther on, que lorsque vous allez plus loin, then you understand the following. Alors, vous comprendrez ce qui suit. You see that it is actually being referred to the followers of Jesus also. Vous voyez que c'est en fait référé aux disciples de Jésus aussi. That is you now. C'est donc vous. Alléluia. Alléluia. Even you. Même vous. You're supposed to be blameless. Vous êtes supposé être sans reproche. In your worship. Dans votre adoration. So you are after Christ. Donc vous êtes après Christ. No wonder. Pas étonnant. It's called the robes of Christ. Que ça s'appelle les robes de Christ. Alléluia. Alléluia. Can I move on to another feature? Puis-je aller à autre chose? This garment. Ce vêtement. Because we say, fine linen, bright and clean, was given her to wear. Parce qu'il dit, du fin lin, éclatant et pur, lui a été donné pour se vêtir. Free of charge, gratis. Sans payer, gratuit. Fine linen. Du fin lin. Represents the redeemed church. Représente l'église rachetée. The church that enters. L'église qui entre. Which means the church by now should be redeemed. Ce qui signifie que l'église à présent devrait être rachetée. Because everybody was given it gratis, free of charge, no purchase. Parce qu'à chacun, ça a été donné, sans payer, gratuitement, pas d'achat. And by the way, you cannot charge people. Vous ne pouvez pas faire payer des gens comme ils le font. He paid it full. Il a tout payé. So it's free of charge. C'est gratuit. When I look at the garment of the church, quand je vois le vêtement des églises, I have mentioned the stains of the garment. J'ai mentionné les taches du vêtement. And I said the big one is this huge sexual sin, is a big mancha. Et j'ai dit la grande tache est cet énorme péché sexuel, un grand péché. It's a stain. C'est une tâche. The other big one is the gospel of prosperity that came from the devil. L'autre est l'évangile de la prospérité qui vient du diable. The gospel of prosperity that came from the devil. That's another stain. L'évangile de la prospérité qui vient du diable, c'est une autre tâche. You know, when I go to the country, the Lord normally shows me the garment of the church there. Vous savez, quand je vais dans les pays, le Seigneur normalement me montre le vêtement de l'église là. And the stains that need to be addressed. Et les tâches qui ont besoin d'être montrées. That's why the ministry is called the ministry of repentance and holiness. C'est pourquoi le ministère s'appelle le ministère de repentance et de sainteté. So that they may address those stains. Donc, ils peuvent mettre en évidence ces choses. One stain, I say, is sexual sin. Une tâche, je l'ai dit, est le péché sexuel. And sexual lust. Et la convoitise sexuelle. That one comes with everything. Qui vient avec toute chose. Plus pornography and immoral dressing in the church and everything immorality. La pornographie, l'habillement immoral dans l'église et toute chose, l'immoralité. In the church. Dans l'église. Including the immorality of TV that Christians are subjected to. Incluant l'immoralité de la télévision à laquelle les chrétiens sont exposés. And I said that the other stain that the Lord wants the church to return to this garment. Et j'ai dit l'autre tâche où le Seigneur veut que l'Église retourne à ce vêtement. To return to repentance. Qu'elle retourne à la repentance. And be restored. Et soit restaurée. Be restored back. Soit restaurée à nouveau. To wholesomeness. À la sainteté. To purity. À la pureté. The other stain that she must clean out. L'autre tâche qu'elle doit nettoyer. Is the gospel of prosperity. The gospel that says. Est l'évangile de la prospérité. L'évangile qui dit. You can bribe God for a certain amount of money. Tu peux tromper Dieu pour une certaine quantité d'argent. And get away with holiness. Et t'en aller avec la sainteté. Because they really want to profit from you. Parce qu'ils désirent vraiment profiter de vous. Everybody wants to profit. Tout le monde veut profiter. How many people attend there? Combien sont présents là? How much is the fee? Combien est-ce que vous payez? Collect money, enter the aircraft and go. Récolter de l'argent, entrer dans l'avion et s'en aller. They've done it, they keep doing it forever. Ils l'ont fait, ils continuent à le faire pour toujours. But now, I am talking about. Mais maintenant, je parle de. The entry of the church into eternity. L'entrée de l'église dans l'éternité. That's a whole different ball game. C'est un tout autre jeu. The stain, I said the second stain. La tache, je l'ai dit, la seconde tache. Is the gospel of money, money, money, money, money, prosperity. Est l'évangile de l'argent, l'argent, l'argent, l'argent, l'argent, prospérité. Wait for financial wealth transfer is coming from the world to you. Attends-toi à une richesse financière. Le transfert vient du monde à toi. You want to be wealthy overnight. Vous voulez être riche pendant la nuit. But I want the people. Mais je désire que les gens to reach a moment of realization. Atteignent un moment de réalisation. When they are able to put their feet down. Où ils soient en mesure de mettre leurs pieds par terre and draw the line and say, beyond here we cannot go. Et tracer la ligne et dire au-delà tu ne peux pas aller. Draw the line. Tracer la ligne. Because you can fool around and lie to people. Parce que vous pouvez folâtrer et mentir aux gens. You can lie to them again. Vous pouvez leur mentir encore. Lie to them whatever. Leur mentir, quoi que ce soit. But you can never lie to them forever. Mais vous ne pouvez pas leur mentir pour toujours. A time comes when a people step their feet and draw the line on the sand. Un moment vient où les gens arrêtent leurs pieds et tracent la ligne sur le sable. And so beyond here we are not going. We are returning to the house of the Lord. Et disent derrière cette ligne, nous n'allons pas. Nous retournons à la maison du Seigneur. If you are really the prophet of God. Si vous êtes vraiment le prophète de Dieu, for all these years, pendant toutes ces années, then we are going to hold you responsible for this decay. Alors, nous allons mettre sur vous la responsabilité de cette décadence. Oh yes. Oh oui. Because if you are really the prophet of God, parce que si vous êtes vraiment le prophète de Dieu, your God should have told you that this is sin. Votre Dieu devrait vous avoir dit que c'est du péché. How come you let us go the wrong way? Comment pouvez-vous nous laisser aller sur le mauvais chemin? So you don't need to be a genius. Alors, vous n'avez pas besoin d'être un génie. You are not bewitched. You also love eternity with God. Vous aimez aussi l'éternité avec Dieu. Everybody wants to enter. Tout le monde désire entrer. This garment, ce vêtement, because you say, fine linen, bright and clean, was given her to wear. Parce qu'il dit, du fin lin, éclatant et pur, lui a été donné pour se vêtir. Given free of charge, gratis. Donné, sans payer, gratuit. Fine linen. Du fin lin. Represents the redeemed church. Représente l'église rachetée. The church that enters. L'église qui entre. So now. Donc, maintenant. If this garment represents the redeemed church, because it says. Si ce vêtement représente l'église rachetée, parce qu'il dit. Fine linen, bright and clean was given her to wear. Du fin lin, éclatant et pur, lui a été donné pour se vêtir. And a huge celebration took place in heaven. Et une grande célébration a eu lieu dans les cieux. Because she was redeemed. Parce qu'elle a été rachetée. She entered. Elle est entrée. If this garment represents the redeemed church. Si ce vêtement représente l'église rachetée. Then can I move you forward? Alors, puis-je aller plus loin? Turn with me the book of Revelation. Tournez avec moi au livre de l'Apocalypse. Chapter 3, we are reading verses 3 to verse 4. Chapitre 3, nous lisons du verset 3 au verset 4. Alléluia. Alléluia. So can we now go to this redeemed church? Donc, pouvons-nous maintenant aller à cette église rachetée? That this garment talks about. Dont ce vêtement parle. Represents. Qu'il représente. She entered. Elle est entrée. Revelation chapter 3 verses 3 to 5. Apocalypse chapitre 3 verset 3 à 5. The redeemed church that enters. L'église rachetée qui entre. Alléluia. Alléluia. Look at what he says here. Voyez ce qu'il dit ici. Revelation 3 verses 3 to verse 5. It says. Apocalypse 3 verset 3 à 5, il dit. Remember therefore what you have received and heard. Souvenez-vous donc de ce que vous avez reçu et entendu. Obey it and repent. Obéissez et repentez-vous. But if you do not wake up. Mais si vous ne vous réveillez pas. I'll come to you like a thief. Je viendrai vers vous comme un voleur. And you will not know at what time. I will come to you. Et vous ne saurez pas à quel moment je viendrai vers vous. Verse 4. Verset 4. You have a few people in Sardis. Tu as quelques personnes à Sardes. Who have not yet soiled their clothes, their raiments. Qui n'ont pas sali leurs vêtements. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. Ils marcheront avec moi habillés de blanc, car ils en sont dignes. Verse 5. Verset 5. He who overcomes like them will be dressed in white. Celui qui vaincra comme eux sera habillé de blanc. I will never blot out his name from the book of life. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. But will acknowledge him before my father. Mais je parlerai de lui devant mon père. And his angels. Et ses anges. Hallelujah. Alléluia. He said, il dit, that when the Lord showed me this tremendous, spectacular, magnificent vision, que lorsque le Seigneur m'a montré cette vision énorme, spectaculaire et magnifique, of the two golden, glorious spiritual wedding rings, des deux glorieuses bagues de mariage spirituelles en or, in the sky, at the entrance to heaven, at the gate, dans le ciel, à l'entrée des cieux, à la porte. Meaning, tell them to only enter through this event. Signifiant, dis-leur d'entrer seulement à travers cet événement. Tell them not to worry about human philosophy. Dis-leur de ne pas trop s'en faire de la philosophie humaine. Human theology. De la théologie humaine. Do you believe in post-tribulation? Est-ce que vous croyez en la post-tribulation? Do you believe in mid-tribulation? Croyez-vous en la tribulation moyenne? Are you a scholar of the many theologies, philosophies and theories in the church? Êtes-vous un étudiant de toutes ces théologies, philosophies et théories dans l'Église? He said, tell them. Il dit, dis-leur, not to worry about those theories and philosophies. De ne pas trop s'en faire à propos de ces théories et philosophies. Tell them simply one thing, that you have seen the Messiah coming. Dis-leur simplement une chose, c'est que tu as vu le Messie venir. That they should just prepare. Qu'ils doivent juste se préparer. And tell them, et dis-leur, that if somebody prepares today, que si quelqu'un se prépare aujourd'hui for the coming of the Messiah, pour la venue du Messie by taking this garment, en prenant ce vêtement, wearing this garment of righteousness, portant ce vêtement de justice, if they walk out through the road and the vehicle hit them and they die, s'ils marchent sur la route et qu'un véhicule les frappe et ils meurent, it is still all right, ça va encore, because they go straight to heaven on that day. Parce qu'ils vont tout de suite aux cieux en ce jour. So it does not matter. Donc, ça n'a pas d'importance. If you die before he comes and you are ready, si vous mourrez avant qu'il vienne et que vous êtes prêt, it is still all right. Ça va encore. And if the Messiah comes before they die, et si le Messie vient avant qu'il meure, it is still all right with them. Ça va encore avec eux. Tell them not to worry about when. Dis-leur de ne pas trop s'en faire à propos de quand, or theory, ou de théorie, or philosophy, de philosophie, or principles, whatever you teach in your theological colleges here, ou de principes, ou quoi que ce soit que vous enseignez dans vos collèges théologiques ici. Tell them just one thing. You've seen the Messiah coming. Dis-leur seulement une chose. Tu as vu le Messie venir. Let them be ready. Et alors soyez prêts. Because nobody knows the day or the hour. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. But now he says that this garment of righteousness, mais maintenant il dit que ce vêtement de justice actually symbolizes, represents the redeemed church. Vraiment symbolise, représente l'Église rachetée. And then when we read from Revelation chapter 3 verses 3 to 5, alors quand vous lisez Apocalypse chapitre 3 verset 3 à 5, then you see, there are people in Sardis. Alors vous voyez qu'il y avait des gens à Sardes. There are people in Sardis that sustained that garment. Il y avait des gens à Sardes qui avaient ce vêtement. And he said, a few. Et il dit un peu, un peu. Oh, be careful with a few. Ah, faites attention au peu. When he says a few, be careful. Quand il dit peu, attention. There are few people. Il y a peu de gens. A Sardis that walked in that finest linen. Un Sarde qui marche dans ce lin le plus fin. Bright and clean. Éclatant et pur. Then he says something amazing. Ensuite, il dit quelque chose d'étonnant. He says, il dit, like him, they too will be overcomers. Comme lui, eux aussi seront des vainqueurs. And we know what the Lord says about overcoming. Et nous savons ce que le Seigneur dit à propos de vaincre. Right now, we know how much sin. Juste maintenant, nous savons combien de péchés has been loaded down on the nations of the earth. Ont été chargés sur les nations de la terre. How much sin. Combien de péchés has been loaded down on the church. Ont été chargés sur l'église. How much sin has really weighed in on the pulpit. We know that. Combien de péchés ont été chargés sur la chair. Nous le savons. But I'm saying. Mais je dis. When sin has become unbearable. Quand le péché est devenu insupportable. When sin has been loaded on the church. Quand le péché a été chargé sur l'église. When sin is the order of the day. Quand le péché est à l'ordre du jour. When every servant who rises to preach. Quand chaque serviteur qui est élevé à prêcher. After a short while you hear, you fall away. Après quelque temps, vous entendez qu'il s'en est allé. He says, il dit. It is possible to overcome. C'est possible de vaincre. He says, through this garment of righteousness, the church can overcome. Il dit, par ce vêtement de justice, l'Église peut vaincre. So when the world is wondering how to overcome. Donc, quand le monde se demande comment vaincre. All the days are wicked. Tous les jours sont mauvais. Oh, there's so much sin. Oh, il y a tellement de péchés. Now he's saying, don't worry. Maintenant, il dit, ne t'en fais pas. If you wear the garment of righteousness, si tu portes le vêtement de justice, you will overcome like the Messiah. Tu vaincras comme le Messie. Overcome what? Overcome the world. Vaincre quoi? Vaincre le monde. The world with its moral decay, you can overcome. Le monde avec sa décadence morale, tu peux vaincre. Alléluia. Alléluia.